Il est devant moi, je le vois sur l'écran. Orange, orange, parce que votre écran est mal réglé. C'est, oh, c'est du orange. J'étais fier de vous. Je croyais que vous étiez en tête du Tour de France. Ah non, mais c'est vraiment, il faut qu'on change les téléviseurs. Hein, parce que bien sûr qu'il est vraiment orange, si vous le voyez jaune, c'est qu'il faut faire un petit réglage. Je vois jaune en bas, gris en haut. Ou alors, oui, bon, ça dépend des jours. Des fois, c'est le contraire. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, mon Yves. Ça me semble bien. Ah. On a oublié la réponse du jeu. Faut vite qu'on la donne. 40 ans, petite Marie, 40 ans. Voilà, petite Marie, c'était 40 ans, excusez-moi. 10 ans de moins, Cartier. Bon, pardonnez-moi. Allez, c'est à vous. Allez, c'est parti. Merci, petit Calvi. Parle de toi, parce qu'avec ta petite voix et tes petites infos. À demain. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, régler vos problèmes, mais avec la bonne humeur habituelle. Et nous allons vous le prouver avec Delphine qui est en ligne avec nous sur RTL en direct. Delphine, bonjour. Bonjour Julien. Installez-vous Delphine, j'explique pendant ce temps-là que vous nous avez envoyé ce petit message. Une mutuelle me doit près de 600 euros de remboursement pour des frais dentaires. Elle s'est trompée dans le numéro d'IBAN et elle l'a versé sur le compte d'une autre cliente de ma banque. Donc le virement, on ne sait pas où il est passé. Donc moi j'attends depuis juillet afin de rembourser mon dentiste. Alors ça c'est juste scandaleux, ils se sont trompés. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on s'est trompé dans le fameux numéro IBAN, mais on ne fait rien pour lui donner son argent. Et puis en fin d'émission, vous n'allez pas manquer le cas de Sophie. Vous allez voir ce que va nous dire Sophie. Avec ma compagne, on a dépensé nos robes de mariée en septembre 2015 dans un pressing qui s'est fait cambrioler et depuis on n'arrive toujours pas à se faire indemniser. Voilà, se fait piquer la robe de mariée et on ne lui rembourse pas. Eh bien, il y a du chagrin aujourd'hui, mais nous allons le transformer en rire grâce à l'équipe que j'ai convoquée, il y a Maître Fellono qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour Julien, bonjour Il y a Blanche de Grandvilliers et son cheval, elle qui est choquée. Bonjour. Bonjour Julien. Mais bonjour avocate avant tout, Hervé Pouchol pour la négociation. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et toutes les équipes d'Alain Hazard sont sur le pont pour vous aider sur RTL. Alors, ma Delphine, parlons de ces soins dentaires qui vous coûtent 800 euros, sur lesquels plus de 600 euros doivent être pris en charge par la mutuelle. Et le 19 juillet, la mutuelle vous fait le virement et se trompe d'un chiffre dans le fameux IBAN. Qu'est-ce qu'on appelle l'IBAN ? C'est les coordonnées internationales de la banque, en fait. D'accord. L'argent serait arrivé chez un autre client de votre banque. Ah ben oui, lui qui s'est dit, quelle mutuelle extraordinaire. Elle me rembourse même quand je ne fais pas de soins. L'argent serait arrivé chez un autre client, donc, et la banque vous dit qu'elle ne peut rien faire. Alors déjà, la banque, on est bien d'accord, Blanche, s'est plantée dans le numéro. Ah, ce n'est pas la banque qui s'est plantée dans le numéro, c'est la mutuelle qui d'accord. s'est trompée donc, dans le numéro. Donc c'est normal que la banque dise « je ne peux rien faire ». La banque ne peut strictement rien faire, elle n'a aucun moyen d'agir. C'est à la mutuelle de refaire un autre virement, quitte à après aller se retourner vers celui qui a touché l'argent des dents qu'il a encore. Exactement. Donc, la mutuelle ne vous donne aucune information depuis 2 mois, malgré vos emails et malgré les lettres recommandées, vous n'avez rien, pas même une réponse. Non. Et au téléphone, quand vous les appelez, personne non plus. Non, on me balade de service en service, on me dit qu'on va me rappeler, on me dit qu'on va se renseigner, qu'on va faire des recherches, et je n'ai jamais la même personne, et des fois on me raccroche même au nez. Non, on a envie de vérifier ça, Hervé Pouchol, s'il vous plaît, veuillez prendre le combiné et faire le numéro de cette mutuelle, que l'on demande la version des faits, mais là j'avoue Delphine qu'on démarre très fort avec vous. Ils se trompent, ils envoient l'argent à quelqu'un d'autre. Et grosso modo, ça serait presque à Delphine d'aller taper chez la... De votre mutuelle. Chez celui qui a touché l'argent, lui disant « c'est pas à vous, c'est à moi ». Bah, elle a même pas son nom. Hein. Bah non, j'ai pas le droit. Ah, le numéro de la sécurité sociale. Vous l'avez, Sarah ? Alors allez-y, rentrez-le, on va couper. Alors ce que je propose, parce qu'ils vont nous demander un numéro de sécurité sociale, un numéro de compte, un numéro de machin, donc ça fait beaucoup de numéros, on va vous épargner ça, vous me faites la petite alerte. Dès que quelqu'un décroche, Hervé, pour que toutes les négociations aient lieu en direct, c'est le principe du 9h30 ou 11h. Alors, peut-être une petite règle d'or. C'est parti. La règle d'or sur RTL. La Delphine a patienté un peu, beaucoup, on lui raccroche au nez. Si elle voulait passer à la vitesse supérieure, est-ce que là, typiquement, c'est par exemple du tribunal de proximité, puisqu'on est à 800 euros? Mais exactement, c'est moins de 4000 euros. Il s'agit d'une simple histoire d'argent. Il est évident qu'après une mise en demeure avec un recommandaire comme elle l'a fait, qui est le point de départ des intérêts de retard qu'elle peut solliciter, eh bien, elle peut aller devant le juge. Si elle a un préjudice supplémentaire, par exemple, elle aurait un découvert, ou elle aurait été gênée par ce manque d'argent, c'est quand même une sacrée somme pour certains budgets, eh bien elle pourrait aussi le faire valoir et obtenir une indemnité à ce titre. Allez, nous allons voir si quelqu'un répond, toujours en train de rentrer les numéros. Hervé, où en est-on s'il vous plaît ? Alors, on nous a demandé plusieurs fois les numéros, puis là visiblement ils ont laissé tomber, ils ne nous demandent plus les numéros, mais ils cherchent un correspondant. Donc j'ai la musique, normalement c'est Richard Klederman là, il me semble, au piano. Bon, on va voir, j'ai l'oreille pour ça, essayons de mettre la musique.

C'est une blague. Non, c'est pas du tout une blague, vous allez voir. Alors, d'ailleurs, on a rentré tous les codes, hein, vous savez, pour pouvoir arriver jusqu'à vous. Donc, elle s'appelle Delphine Mittler, M-I-T-T-L-E-R. Et vous vous êtes trompé lors d'un remboursement sur le numéro IBAN. Donc, l'argent est allé sur le compte de quelqu'un d'autre et elle se bat aujourd'hui pour essayer de récupérer cet argent qu'on lui doit, sachant qu'on ne répond pas aux recommandés qu'elle a envoyés et elle ne cesse d'appeler, elle n'a aucune réponse. Donc, est-ce que vous pouvez me passer un responsable? Parce que je ne pense pas qu'à votre niveau, vous arriverez à régler mon problème. Je vous fais passer un petit enfant. C'est très gentil. On va alerter Dominique Chapeau. Je crois que c'est le grand patron de la mutuelle UTMIF. Ouais. Monsieur Dominique Chapeau, s'il vous plaît, soyez sympa. Essayez de nous trouver un interlocuteur parce qu'elle a quand même beaucoup patienté. Je la reprends. Oui, qui ça? La jeune fille, parce qu'elle vous a coupé la chic. Hein. Oui, mais elle a bien vu que j'étais parti sur autre chose. Ouais. Oui, la mutuelle se contente de répéter, Julien, dans deux courriers, qu'elle a bien payé en date du temps. Sauf qu'elle n'a pas payé sur le bon compte. Donc le paiement. Si, elle a payé en date du temps, mais pas la bonne personne. Pas sur le bon compte. C'est quand même juste incroyable qu'on soit obligé de se battre, qu'on se fasse raccrocher au nez quand il y a une erreur comme ça. Donc là, je pense que Monsieur Chapeau doit intervenir. Si vous connaissez un chapeau et que ce chapeau-là travaille à l'UTMIF, difficile à prononcer, l'UTMIF. Quand le T est avant le M, il faut quand même avoir la langue bien déliée pour le dire. Essayez Delphine, dites-moi l'UTMIF. UTMIF. Ah ben elle le dit bien. Elle l'a tellement dit d'un autre côté qu'elle est en train. Oui, en même temps, oui. Bon, Delphine, on reste en attente. On fait l'alerte dès que quelqu'un répond à l'UTMIF qui se trouve à Vincennes. Si, pas de réponse, un duplex, peut-être pas ce matin, mais demain matin. Encore un bel exemple d'aberration administrative, puisque visiblement, il y a eu un couac. C'est parti dans le broyeur informatique et que personne n'est capable de pouvoir rectifier cette erreur. Peut-être qu'il faut remplir 20 papiers. On s'en moque à un moment ou à un autre. C'est pire que le broyeur. Parce que le broyeur, on peut dire, ok, c'est parti dans le broyeur, mais là, c'est, madame, j'écoute que vous me dites que vous avez un problème, mais je ne fais rien. Je ne vais pas avoir dire attendez, ouvrez-moi le dossier de cette dame, si je m'en fous. Et ça, c'est un peu... Alors ça, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, peut-être que l'UTMIF va nous dire quelque chose d'autre. J'ai essayé de le dire comme j'ai pu. Dans une seconde, le cas de Christophe à qui on doit des sous. Et on aime bien, dans ces cas-là, qu'on trouver des accords entre les deux parties. Et là, sur RTL, vous avez le sourire, car voici Imani sur RTL. There is always a silver lining. Blessed are those who know what it is. We think that we need everything. That love is found in the wrong kind of dreams. There's always time to ask for help. There's always space to find your ways. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you hide or you run away. All clap your hands. All clap your hands. Clap your hands, go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands, let go, clap your hands. Because we're afraid of losing, we have lost the meaning of sharing. But with love there is something to win. Today might not be as hard as it seems. There's always room to make mistakes. Not always time to make amends. There is no shame to ask for help. And there's always hope in a lending hand. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Your hands, let go, clap your hands. Take a chance, don't be scared to make a change. Take a chance, don't be scared to make a change. Oh, clap your hands, oh, clap your hands, oh, clap your hands, go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands. Oh, clap your hands, let go, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands. Oh, clap your hands, go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands. Oh, clap your hands, let go, clap your hands. Oh, clap your hands, oh, clap your hands. Honnêtement, s'il n'a pas compris qu'il fallait qu'il tape dans les mains, c'est qu'il est un peu bouché, parce que ce n'est pas faute de lui avoir répété. Hein. Imani, Silver Lining, clap your hands sur RTL. Nous démarrons Christophe à 9h46 en direct. Vous nous appelez au 3210 ou vous faites Facebook. La page, ça peut vous arriver si vous voulez nous contacter. Si vous avez par exemple un problème avec un dentiste, un chirurgien esthétique, vous êtes tombé sur un plombier, un garagiste sans scrupule ou un client sans scrupule. Hein, ça arrive aussi. Aberration administrative, on marche sur la tête. Voyage complètement raté, 3210. Allez-y, on vous attend au Facebook, page ça peut vous arriver. Donc Christophe, vous êtes couvreur. Oui, c'est bien ça. Et vous êtes dans la région Pas-de-Calais. Oui. Vous êtes auto-entrepreneur depuis le 1er avril et vous avez fait un devis pour un client pour la toiture d'un bar tabac. Qu'est-ce qu'il fallait faire sur cette toiture ? Bah, fallait enlever toutes les la toiture existante et refaire une toiture à neuf en tôle bac acier. En quoi ? En tôle bac acier. Ouais. Je ne connaissais pas. Vous voyez, ouais. Tous les jours, ce qui est formidable avec cette émission, c'est que 17 ans après, j'apprends des choses et là, je vais pouvoir faire le malin dans les dîners mondains parisiens en disant « Dites-moi, baronne, votre toiture, c'est de la tôle bac acier ?» Voilà. Non, vous connaissez ça, monsieur Courbet ? Mais oui. 7 703 euros, c'est le devis. Le client a déjà fait des siennes et il a traîné pour payer la compte. Les travaux ont été faits par la suite et il reste 4600 euros à payer. Alors, il vous a envoyé une lettre, ce client, en disant qu'il ne voulait pas payer. Pourquoi ? Il dit que les travaux sont pas faits correctement. Les tôles utilisées ne sont pas des tôles anti-condensation. Les fixations ne sont pas adéquates. Les aérateurs sont du matériel de récupération hors CFO. Vous avez sur chaque point la possibilité de prouver que vous avez acheté des matériaux neufs. Oui. Vous avez les factures de tout. Oui. Et si on envoie un expert là-haut, il va pouvoir vérifier que vous avez mis du neuf et que tout a été fait correctement. Oui. Bon. Eh bien, là, Christophe, effectivement, ça peut arriver. Alors, c'est votre version des faits. On va voir ce que dit la partie adverse. En tout cas, déjà, mauvais point pour Christophe, c'est que souvent on tombe sur des mauvais payeurs qui n'envoient aucune lettre. Lui, il envoie quand même une lettre. Maintenant, il y a des professionnels qui savent aussi qu'en envoyant une lettre, ils peuvent tout bloquer. Oui, d'abord, c'est un litige qui est entre deux professionnels. Hein, même, il y en a un professionnel du bâtiment et l'autre qui est professionnel du tabac. Mais enfin, ce sont deux commerçants, on va dire. Alors, ce qui se passe dans cette affaire, c'est que je vois dans votre discours deux points qui rappellent les obligations des entreprises du bâtiment comme les vôtres. Il y a effectivement l'établissement d'un devis et ce que vous avez fait doit être conforme au devis. Mais il y a également le devoir de conseil. C'est-à-dire que si effectivement vous avez bien mis des tôles bac acier, mais qu'elles ne permettent pas, je ne sais pas quoi, la condensation, on pourrait vous reprocher un défaut de conseil. Donc là-dedans, il y a un petit peu de tout et on va essayer de faire le tri pour essayer de trouver une solution. Nous lançons l'appel dans une seconde. Tenez-vous prêt, Hervé Pouchol, et nous allons bien voir comment va nous répondre ce monsieur, car faire des travaux quand on est jeune entrepreneur et ne pas être payé, ça le plombe immédiatement, puisque ça lui fait un énorme trou de trésorerie. Maintenant, si la partie adverse ou dit ça a été mal fait, on est prêt à en discuter. La discussion, il n'y a que ça de vrai. Et ça se passe comme ça sur RTL. Hey boy, à tout de suite pour l'appel. Bonne journée. Mamie, je peux pas te parler là, je suis chez un pote. Mais moi aussi, je suis avec une pote. Et Nicole, regarde sur ma tablette ardoise, il est pas beau mon petit-fils. Eh ben fais coucou à Nicole mon lapin. Coucou Nicole. Regarde, on a retrouvé des photos de toi dans ton bain. Non. Pour tous ceux que le numérique intéresse, mais qui attendaient que le numérique s'intéresse à eux, La Poste vous propose de découvrir Ardoise, la tablette pensée pour les seniors, dans votre bureau de poste ou sur ardoise.com. Allez, on le rappelle. Yvonne vend appartement de pièces, travaux à prévoir, belle exposition. Elle est avec son chien, elle le promène. Michel cherche appartement de pièces avec travaux, belle exposition. Il est avec une jolie fille, il fait le tigre. Si la vie ne peut pas vous aider à vous rencontrer, Orpi le fait. Orpi, plus de 100 000 rencontres immobilières réussies chaque année. Leclerc. Tous avec moi, tous chez Leclerc. En ce moment, c'est l'opération super pouvoir d'achat avec les plus belles offres promotionnelles de tous les temps. Des réductions, du gratuit et du ticket Leclerc sur des centaines de produits. Le meilleur de toutes les plus belles promos Leclerc est là, réunis en même temps dans tous les rayons de tous les magasins Leclerc. Ah oui, quand même. Du 20 septembre au 29 octobre, les plus belles promos Leclerc sont toutes réunies chez Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. À l'attaque et vive les super pouvoirs d'achat. Va mon héros, va chez Leclerc. Coucou. Regarde ce que je savoure avec une petite cuillère. Qu'est-ce que tu manges ? C'est la nouvelle innovation Chrysler, le repas idée délices. On peut l'emmener partout. Tu sais que Chrysler intensifie son recrutement avec l'arrivée de ce nouveau repas idée délices ? Moi qui veux changer de job, ça m'intéresse. Choisis Chrysler, 20 ans d'expérience. Numéro 1 des sociétés de distribution d'aliments de bien-être de vente en réseau en France. Regarde sur internet à kairi2s-laure.com. Pour votre santé, bougez plus. Chrysler, j'adore, l'ami de votre silhouette. Du 26 septembre au 15 octobre, c'est les prix Qualité Pro spécial isolation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, la laine de verre épaisseur 200 mm, lambda 40 pour isolation des combles, est à 3,75€ le mètre carré. 3,75€ seulement. Alors, profitez-en. Gagnez en savoir-faire. 3,75€ le mètre carré, soit 20,25€ le rouleau. Label rouge. Mmh. Il faut que je vous dise, je suis label rougien. Tout va bien. C'est juste que j'adore les viandes label rouge. Être label rougien, c'est vouloir le meilleur. Cette côte de bœuf, par exemple. Ce persillé, cette tendreté, cette saveur, ça donne envie de goûter, non? En même temps, vous savez, il n'y a pas de secret. Les professionnels s'engagent à produire des viandes de première qualité et en plus, elles sont goûtées et préférées par les consommateurs, comme vous et moi. Vous aussi devenez label rougien. Mmh. Avec le concours de l'Union Européenne. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Une alerte, nous allons revenir dans quelques instants sur Christophe et son impayé, mais s'il y a alerte, c'est qu'il y a forcément la mutuelle qui est de retour, Hervé Pouchol. Ah oui, c'est urgent. Quand je vous dérange, c'est que c'est urgent. On revient donc pour le cas de Delphine, son cas de la mutuelle. J'ai le responsable du service client qui a connaissance du dossier de Delphine. Super. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Courbet. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL, c'est un plaisir de vous parler. Alors moi, d'après ce que j'ai sous les yeux, c'est une simple erreur sur le chiffre IBAN, mais qu'on n'arrive pas à rectifier, c'est ça qui est fou. Absolument simple erreur, mais aux conséquences importantes vis-à-vis de l'assuré. J'en prends connaissance et évidemment, ça a retenu toute mon attention. Donc j'ai pris évidemment l'engagement vis-à-vis de votre collaborateur vis-à-vis évidemment de l'assuré, de prendre en charge ce dossier, de reprendre l'historique dans le détail et d'intervenir dans les meilleurs délais pour rectifier cette erreur. Parce que, et je suppose que ça n'arrive pas souvent et même jamais, mais sachez quand même que Delphine a envoyé des recommandés, elle s'est même fait raccrocher au nez, donc aujourd'hui elle se dit, mais c'est pas possible, on me prend vraiment pour une imbécile alors que je me fais absolument. Alors, on va procéder effectivement en deux temps, dans un premier temps rectifier donc très rapidement cette anomalie et donc procéder au remboursement. Donc le montant en plus n'est pas neutre, et évidemment après, tout l'aspect relation client également va être suivi et observé avec attention. Bon, vous vous en occupez personnellement? Je m'en occupe personnellement. Delphine, vous avez entendu? Voilà. Oui. Là, on a un vrai interlocuteur qui s'en occupe personnellement, on lui laisse quelques jours Madame et ça va rentrer. J'ai vos coordonnées, absolument, j'ai tout le détail du dossier, laissez-moi juste le temps d'intervenir et je reviendrai vers vous très très rapidement pour vous annoncer une bonne nouvelle. Oui. Bah, merci monsieur en tout cas de reconnaître que c'est vous qui avez fait l'erreur, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que je n'avais pas ma réponse et puis je me demandais où était passé l'argent, quoi. Je m'occupe de votre dossier personnellement et c'est moi qui reviendrai vers vous également personnellement. Bon, maintenant, Delphine, on peut se dire les choses franchement. Moi, j'ai reçu, alors je ne sais pas pourquoi, 600 euros chez moi l'autre jour. Donc, j'étais au casino d'Anguin. Alors, je pensais, pour être honnête avec vous, je pensais en gagner trois fois et vous remettre votre partie. Mais ça a mal tourné, deux mauvaises prises. Et à un moment donné, je pars sur un 17 pensant que la banque ne va pas suivre. Et là, bam, il me sort un 21 et j'ai tout perdu. Voilà, donc, ça peut arriver aussi. Bon, merci monsieur Dutmif, ouais. Merci beaucoup. On se tient au courant. Sarah, vous me faites un point donc début de semaine prochaine. C'est noté, Julien. Merci Hervé Pouchol. Et moi je dis chapeau à ce monsieur. Vous avez raison. Il est sérieux et il va tenir parole. Bravo monsieur. Bah, écoutez, un dernier mot de Blanche. Et Julien, tant que le paiement n'est pas sur le compte, il n'est pas libératoire. Donc pour la mutuelle qui a payé une personne qui par contre ne devait pas recevoir ce paiement, elle a une action, c'est l'action en répétition de l'indu. Oui, mais on n'a pas besoin d'aller voir les indus. On va les laisser tranquilles. On va simplement faire confiance à ce monsieur. Et on embrasse très fort celui qui actuellement est sur une plage de Saint-Tropez en train de commander des cocktails en disant « J'ai touché 600, je ne sais pas d'où ils arrivent, mais en tout cas, c'est ma tournée !» Alors lui, oui, pendant ce temps-là, il y en a un qui les a touchés. Delphine, je suis ravi de vous avoir aidé. Merci de nous avoir fait confiance. Et je compte vraiment sur vous pour me tenir au courant dès que vous avez le chèque. D'accord, très bien. Bravo les équipes, voilà, premier cas, première demi-heure, première résolution. Alors si vous aussi vous avez besoin d'RTL, allez-y, 3210, Facebook, la page ça peut vous arriver, on est là pour vous. Christophe, il va falloir lancer l'appel. On va, vous savez quoi, tenter tout de suite de voir si quelqu'un répond du côté du bar tabac, car je pense que ça va être long et douloureux. Oui, Sarah. Nous avons trouvé un numéro de fixe, on va déjà tenter celui-là, si vous êtes d'accord. Pour le bar tabac? Oui. Allez, on y va, c'est parti. Christophe, on lui doit des sous, il va y avoir une longue discussion, parce qu'apparemment, la personne dit « oui, mais les travaux ont été mal faits ». Dans ces cas-là, on fait venir un petit expert, et puis on regarde si ça a été bien fait ou mal fait. C'est parti, ça sonne. J'ai un souci, ma ligne ne fonctionne pas, donc on va lancer finalement le portable et le fixe d'une autre ligne. Ah bon, parce que le fixe, vous n'arrivez pas à le faire de ce poste-là. C'est ma ligne. D'accord. Il y a un problème. Oui, d'accord. Ah, bien répondeur, oui, je suis plié, personne pour le moment. Là, j'ai l'impression qu'il y a deux lignes en même temps. Là. J'ai entendu allô, est-ce que vous pouvez enlever le répondeur? Allô? Allô? Oh là là! À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier. Alors on coupe et on repart donc maintenant sur le fait que je suis désolé. Mesdames et messieurs, on a un matériel qui est très perfectionné, peut-être même un peu trop perfectionné, ce qui fait qu'on ne sait pas bien le faire marcher et des fois il bug. Très bien, nous sommes les meilleurs avec Marie, il faut le dire. Enfin, par contre, la ligne 8 bon, a vraiment un souci, c'est pas notre faute. Laissez-moi appeler la maintenance! Amis de la maintenance, soyez gentils, passez au studio, on a une cagade sur la ligne 8. Ils vont venir et ils vont nous répartir ça. Ne quittez pas Christophe, hein. Rassurez-vous, on va les avoir. De toute façon, ça tombe bien, c'était l'heure des infos, donc on va relancer l'appel après. Donc ça veut dire qu'après les infos, on a 1, la maintenance qui vient réparer la ligne 8. 2, on enchaîne avec Christophe et on appelle celui qui lui doit des sous pour faire ce débat contradictoire. Et ce n'est pas tout, n'oubliez pas qu'il y a l'histoire de la robe de mariée qui a disparu, écoutez. Elle s'appelle, je ne sais plus. Avec ma compagne, on a décongelé nos robes de mariée en septembre 2015 dans un pressing qui s'est fait cambrioler et depuis on n'arrive toujours pas à se faire indemniser. Allez, tout ceci, ça va se passer sur RTL. J'espère que vous passez une belle matinée. Je vous souhaite à tous un bon mercredi. À tout de suite. Le lièvre et la tortue, à nouveau réunis, écoutez le lézard leur ami. En ce moment, Monsieur Store fête son anniversaire. Par tranche de 2000 euros d'achat, 200 euros vous sont offerts. Tandis que la tortue partait à bride abattue, le lièvre à son grand dam dut consulter sa femme. Porte d'entrée, de garage, fenêtre, volet. Quand le lièvre enfin se décida, la tortue avait déjà sa pergola. Moralité, pour profiter de cette offre, rien ne sert de le dire. Il faut courir et point. Monsieur Store! Pour une étude personnalisée, appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, alors, à 8h, tu poses un disjoncteur chez Monsieur Chauvet. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h, tu vas chez Madame Lefort. À 11h, il faut que tu repartes chez Monsieur Leduc, que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129 euros par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer, taxe, crédit bail, maintenance 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous condition de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 31 octobre, si acceptation par Diac et Sa, voir Renault.fr. C'est l'histoire d'une famille hors du commun. Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser. D'une aventure extraordinaire. Les Américains partent à la conquête de l'espace, et bien nous partons à la conquête de la mer. L'Odyssée, un film de Jérôme Salles avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey Tautou. L'Odyssée. Qu'est-ce qu'on entend ? Aujourd'hui au cinéma. Avec RTL. Tout doit disparaître chez Conforama. Vous avez jusqu'au 25 octobre pour profiter jusqu'à moins 50% sur une sélection de meubles, déco et électroménagers. Par exemple, la banquette BZ Céline est à 199,50 € seulement. Et oui, c'est incroyable! Alors, qui fait mieux? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur Conforama.fr. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Quels sont les petits secrets des grands débats politiques? Pourquoi la pomme sauvera l'humanité? Comment se faire accepter dans un sous-marin quand on est une femme? Toutes les réponses à vos questions, c'est ce soir à partir de 20h dans La Curiosité sur RTL. Vous avez choisi RTL et le 9h30, 11h. L'émission la plus écoutée de France à cette heure-ci. Merci de votre fidélité. What's the sense in sharing? Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, AD.fr, devis en ligne. Eh oui, plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'hiver. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 10h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Quatre tags anti-police ont été découverts dans un bâtiment de l'université Paris 1, dans le 13e arrondissement de la capitale, rue Tolbiac. Des dessins en noir ou en rouge sur les murs des couloirs, avec notamment comme slogan « Frappez vite, frappez fort, un bon flic est un flic mort ». Le syndicat de police Alliance dénonce des tags insupportables et réclame une réaction des autorités de l'État. Ces événements surviennent alors qu'un policier est toujours hospitalisé après l'attaque de samedi dernier à Viry-Châtillon. C'est l'information marquante de la matinée. Salah Abdeslam n'a plus d'avocat. Le seul terroriste encore vivant des commandos du 13 novembre ne veut pas parler. Il reste muet devant les juges. Alors ses défenseurs jettent l'éponge. L'avocat français Franck Berton et le belge Sven Marie ont décidé de renoncer. Nous avons la conviction, disent-ils, qu'Abdeslam ne s'exprimera pas et qu'il appliquera le droit au silence. Le terroriste a d'ailleurs écrit au juge d'instruction pour l'informer qu'il ne veut plus être représenté. Franck Berton estime que Salah Abdeslam abandonne, c'est comme un suicide, dit l'avocat. Depuis son transfert en France, le djihadiste est détenu à l'isolement à la prison de Fleury-Mérogis et placé sous vidéosurveillance 24 heures sur 24. Les familles des victimes des attentats s'inquiètent de la tenue d'un prochain procès si le principal protagoniste ne dit rien, ne livre aucune explication alors qu'ils en attendent tant. Un juge parisien est désormais en charge de l'affaire Kardashian. Une information judiciaire est ouverte un peu plus d'une semaine après le braquage de la vedette américaine dans un hôtel particulier à Paris. Le juge va enquêter sur ce vol avec armes en bande organisée, association de malfaiteurs et séquestration. Aucun suspect n'a été pour le moment interpellé. Plusieurs ADN ont été retrouvés dans l'appartement de Kim Kardashian et sont actuellement en cours d'exploitation. L'un des bijoux volés à la vedette américaine a été retrouvé dans la rue par une passante après le braquage, mais il n'y avait pas de traces d'ADN exploitables sur ce pendentif. Dans l'actualité du jour, il y a aussi les confidences de François Hollande. Dans un livre à paraître demain, le président se dit prêt à faire l'inventaire de son quinquennat, mais surtout, il n'épargne personne. Le livre des journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, s'intitule « Un président ne devrait pas dire ça ». La bourse de Paris est en baisse ce matin, moins 0,10% à l'ouverture et la tendance à la baisse s'accentue encore à l'heure qu'il est. Le CAC 40 tourne autour de 4451 points. La météo du jour, du soleil en général après la grisaille matinale, alors sauf dans le tiers sud du pays où le ciel sera de plus en plus nuageux. Notez déjà qu'à partir de la nuit prochaine, de la pluie forte est annoncée dans le Languedoc et l'Hérault est en vigilance orange, pluie et inondation. Côté température, on attend aujourd'hui au meilleur de la journée, 12 degrés à Lille et à Metz, 14 à Paris comme à Cherbourg ou Clermont, 15 à Brest et Lyon, 16 à Nantes, 17 à Bordeaux, 19 à Toulouse, 20 à Marseille et 21 à Perpignan. Pour un confort toujours au beau fixe, choisissez Viessmann. Viessmann, des solutions de chauffage innovantes, performantes et durables. Votre projet sur mesure commence sur Viessmann.fr. Les courses cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet. Il vous conseille de jouer le 6, le 5, l'As, le 2, le 15, le 9, le 16 et le 12. La dernière minute de Bernard, c'est l'As à Prion. Il est 10h et presque 4 minutes, vous êtes sur RTL avec bien sûr Julien Courbet. Merci Marie, à tout à l'heure 11h pour d'autres infos, point info. Il s'est passé beaucoup de choses, merci de nous rejoindre, à vous tous, vous êtes très nombreux à arriver à 10h, donc il y a des choses qui se sont passées, il y a des choses qui vont arriver, je vous tiens au courant. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. On a tout d'abord eu une dame qui nous a dit, écoutez, je ne comprends pas, on me doit un remboursement de dents, il a eu lieu, mais pas sur mon compte. Quelqu'un qui avait de bonnes dents a reçu mon bon argent, et effectivement, c'est la mutuelle qui s'est trompé, quand je les appelle, c'est le dédain. J'envoie des lettres recommandées, on ne me répond pas, etc. Mais Hervé Pouchol, vous avez trouvé celui qu'on appellera dorénavant le bon samaritain. Ah ben c'est clair, hein. Surtout ce matin, responsable du service client de l'UTMIF, bravo monsieur, il doit correspondre avec Delphine, notre auditrice, dans la journée, et le code UBAN va être transformé. IBAN, donc, pardon. Elle va toucher donc ses 600 euros. Et puis on a Christophe, on va s'en occuper dans une seconde, Christophe est couvreur, et lui, il a fait des travaux, et on lui dit Blanche de Grandvilliers, non mais je ne vais pas vous payer la suite parce que j'estime que les travaux ne sont pas bons. Alors ça peut arriver, mais dans ces cas-là, on fait une réunion. Je n'ai pas demandé à Christophe d'ailleurs, est-ce que vous avez proposé une réunion pour que vous montiez tous les deux sur le toit et qu'ils vous disent, voyez ça monsieur, c'est pas conforme. Quand on a fait la réception de chantier, parce qu'il a signé la facture quand j'ai terminé les travaux, à la réception de chantier, il est monté, il a bien vu que le boulot est occupé. Mais comme il s'est fait monter la tête par des potes de comptoir, on va appeler ça comme ça, des autres artisans qui descendent en flèche, les jeunes auto-entrepreneurs comme moi, il lui a donné de mauvais conseils, on va dire. Ça s'est fait autour d'une suze, j'ai bien compris, voilà. Je vois tout voilà. À fait le tableau, avec un petit vélo au bout des lèvres. Dis donc, Angers, t'as pris un petit jeune là, pour ta toiture. Moi je dis bien, tu fais comme tu veux, mais à mon avis, c'est du travail salopé. Hein. Ah, tu crois? Quand t'as, y a qu'à voir, regarde, t'as le châssis de 22, à mon avis, t'as du 24. T'es un petit, allez pour moi celle-là, mets-moi un kir. Tu verras, mais t'auras des infiltrations. Mais pour l'instant, ça avait l'air très bien. t'entends Denis, dit que ça a l'air bien. Voilà, je pense que ça s'est passé comme ça, Christophe. Bah pour moi oui, voilà, surtout mais... que j'avais déjà effectué des travaux, un premier, deux petits chantiers. C'est les deux petits chantiers de mise en confiance, on va dire. Sur le deuxième chantier, je lui ai posé le même type de tôle. Christophe, de toute façon, il n'a jamais eu de problème. De toute façon, cet homme a le droit de dire qu'il n'est pas content, blanche, mais maintenant, on va vérifier. Tout ce qu'on te demande à ce monsieur, c'est avant de payer, prouvez-nous que ce n'est pas bien fait. C'est trop facile. On en a connu, pendant 17 ans d'émission, des professionnels du non-paiement en disant je ne paye pas parce que je ne suis pas content. Pas content de quoi? Ouais, ça ne vous regarde pas. Une fois, il y a quelqu'un qui nous avait dit ça. Il ne voulait pas prouver que ce qui n'allait pas. Surtout que là, on apprend qu'il a signé le procès-verbal de réception de chantier. C'est un élément important. Il n'a pas fait de contestation. Et deuxième élément, Christophe lui a écrit en recommandé, il n'a pas été chercher la lettre. Ça, c'est pas bien. Allez, on va s'en occuper dans une seconde. Je retiens en tout cas que Christophe a exactement les mêmes méthodes que vous, Hervé Pouchol. Oui. Avant de se lancer dans le gros chantier, il a fait des petits chantiers de mise en confiance. Toujours. Et c'est ce que vous faites avec les femmes. Les préliminaires. Ne lancez pas des mots pareils. Avant de se lancer dans le gros chantier, sachez-le, Christophe, Hervé Pouchol fait toujours quelques petits chantiers pour mettre la jeune femme en confiance. Et ça marche, car il est maintenant l'auto-entrepreneur du sexe. Christophe, on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Merci d'être avec nous. Nous allons continuer, nous allons vous aider. Cette radio est là à votre disposition. Et c'est, je crois, la seule radio qui offre ce vrai service à ses auditeurs. Être proche d'eux en réglant leurs problèmes. N'hésitez pas, appelez au 3210, quel que soit votre problème. Nous serons là pour vous aider avec les avocats et l'équipe. Ça, c'est ce qu'on appelle le service RTL. Je vous promets qu'on lance l'appel juste après ceci. Bruno, j'ai entendu un truc top à la radio. Ah ouais, c'était quoi? La TVA remboursée sur les pneus été et hiver Bridgestone. Hein? La TVA offerte sur l'entretien auto et 21 points de contrôle sécurité gratuit. Ah ouais? Par contre, je sais plus où c'était. Fais demi-tour. Une offre aussi top, c'est forcément chez First Stop. Jusqu'au 12 novembre, dans les 340 centres auto First Stop, profitez de la TVA remboursée sur les pneus été et hiver Bridgestone, la TVA offerte sur l'entretien auto et 21 points de contrôle gratuit. Centre auto First Stop, les centres au top. Conditions dans les centres auto First Stop participants. Nous avons demandé à Didier Tabary, président de Filorga, le premier laboratoire de médecine esthétique français, comment lutter contre les rides. À l'origine, notre spécialité chez Filorga, ce sont les injections anti-âge en cabinet médical. Aujourd'hui, nous mettons cette efficacité au service de toutes les femmes, grâce à nos crèmes anti-rides révolutionnaires. Et ça marche ? Eh bien, cela a été prouvé sous contrôle médical. Avec notre crème Time Filler, les rides sont divisées par deux en deux mois. Time Filler des laboratoires Filorga est devenu en juin le numéro 1 de l'anti-rides en pharmacie et chez Marionneau. Salut, moi c'est Pat. Pat in, oui je sais. Bon, j'ai rien contre le patinage noté. En revanche, une voiture qui patine, y a rien d'artistique. Je dis ça rapport à mes deux pneus lisses. Solution, prendre rendez-vous sur Citroën.fr. Pendant les portes ouvertes du 13 au 15 octobre, le deuxième pneu est à moitié prix et avec Michelin, j'ai même une carte carburant. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre pneus réservée aux particuliers pause pendant les portes ouvertes. Offre carburant jusqu'à 50 euros, valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. C'est parti pour l'appel, Christophe, qui se dit oui, ça serait bien que mon appel démarre parce qu'il me le promet maintenant depuis 40 petites minutes. Et le voici. Nous appelons donc un bar tabac. Et nous allons voir comment nous allons être reçus. Ouais. Et assez occupé déjà. Bon, peut-être qu'il est en train de parler. Alors, il se peut aussi, on a beaucoup parlé, qu'après, un des clients de comptoir ait pu vous identifier et soit en train de prévenir le bar en question. Mais nous n'en sommes pas là. Nous réessayons une deuxième fois. Dès que ça va sonner, vous serez sur l'antenne. Il faut que vous restiez juste à côté de votre téléphone, Christophe. Deuxième tentative, nous rappelons ce bar. Allez, il faut quand même l'avoir. Il va pas être tout le temps au téléphone. J'ai la photo... Ah bon, il est pour l'instant, c'est pas grave. De toute façon, on va continuer, on sortira le porte-voix. J'attends encore un petit peu, donc attendez-vous, auditeurs, à entendre la petite alerte que voici. Ça veut dire que ça répond et pim, on bascule immédiatement sur l'antenne. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans une seconde nous attaquer au cas de Sophie. L'histoire est incroyable parce que c'est vrai qu'alors, expliquez-moi mesdames, parce que vraiment, n'y voyez pas de malice, c'est très important de garder sa robe de mariée. C'est quelque chose qu'on veut peut-être transmettre à sa fille écoutez, plus tard. Écoutez, alors d'abord, il y a effectivement des filles qui aiment bien mettre la robe de mariée de leur mère. Il y a surtout les anniversaires de mariage qui font d'ailleurs énormément de mal parce qu'on s'aperçoit que sa silhouette, c'est quand même assez pâté. Donc on s'amuse à remettre sa robe de mariée et je vous assure que ce sont des soirées assez drôles. Et c'est vrai que c'est aussi un symbole d'un jour exceptionnel et heureux et peut-être qu'on n'en a pas assez souvent. Ma question était au-delà de ça, c'était quand un pressing perd quelque chose, il doit vous le rembourser. Mais est-ce qu'on rajoute un prix au fait que ce n'est pas un simple slip ou un jean, que c'est une robe de mariée? Non, là on connaît la valeur sentimentale particulière, mais on pourrait dire qu'il y a des vêtements, il y a des gens qui ont dit bah oui, moi j'ai fait ci avec, alors il avait. Non, là je pense que ce serait pousser un peu loin le bouchon. En revanche, le caractère exceptionnel et qu'elles doivent être remboursées, ça fait pas un pli. Bon, en tout cas, on va essayer d'expliquer ça au pressing. On aura l'auditrice en quelques instants, le temps d'écouter cette chanson qui parle de l'histoire d'une femme qui a perdu. Ah, une alerte, coupez Renaud, on va revenir en quelques instants. Que se passe-t-il, Ronelma? Allô? Oui, je suis au pénalty. Oui, tout à fait. Bonjour monsieur, c'est Julien Courbet. Oh, Julien Courbet, il y a du monde devant moi, dites-moi. Nous sommes en direct sur la radio RTL, monsieur. Je suis avec David Guillet, avec Christophe Maillot. Attendez, je vais mettre le haut-parleur. Allez-y. Parce que comme j'ai des clients, il faut que j'anime également mon établissement. Allez-y, c'est parti. Allez-y, Julien, alors, je vous écoute. Bonjour déjà à tous les clients du Penalty. Bonjour. Bien. Je dois lui dire bonjour, c'est Julien. Alors, je suis avec Chris... Je ne crois pas, Julien. Je suis avec Christophe Maillot qui vous a fait la toiture et qui a un impayé. Ah oui, tout à fait, je me doutais, parce que vous avez essayé de me joindre juste avant. Voilà, alors Christophe nous dit, ce monsieur me dit que la toiture était mal faite, il voudrait juste, Christophe, qu'il y ait une petite confrontation, que vous alliez ensemble, peut-être avec un petit expert, vérifier qu'il a mal fait le boulot, parce que vous avez signé la réception de chantier. J'ai signé pas une réception de chantier, il me semble, j'ai signé un document à la fin, mais rien ne signale que les travaux étaient terminés. Après, l'expertise a été faite, d'ailleurs, par maître Olivier Duflo, qui est huissier à Oudin. Et d'ailleurs, c'est un dossier qui est entre les mains de mon avocat. Alors ça, je ne savais pas, vous voyez. C'est pour ça que j'appelle toujours la patinette. Christophe, est-ce qu'un huissier est venu? Moi, je ne l'ai pas vu. Ah, vous ne l'avez pas vu. Donc vous avez fait venir un huissier. Et qu'est-ce qu'a dit l'huissier, Christophe? Maillot-Christophe me réclame justement la facture. Oui, les 4600 euros. Mais qu'est-ce qu'il a constaté, l'huissier? L'huissier constate que le chéneau n'est pas aux normes, qu'il y a plein de choses qui sont pas aux normes de DTU. Donc faut dire à Monsieur Maillot qu'à partir du moment où il veut intervenir sur un milieu professionnel, ok, et se faire passer pour un professionnel, qu'il fasse un travail par rapport à des règles professionnelles, le DTU, ceci, cela, c'est des arguments qui peuvent lui permettre d'avancer dans la vie. Après, s'il veut prendre les gens pour des lapins de 6 semaines, il utilise les médias et non pas votre nom, monsieur Le Perse, sans vouloir vous manquer. C'est pas Le Perse, hein, c'est Courbet, moi. C'est Courbet, c'est pareil, c'est déjà tout un honneur. Mais sinon, si j'avais été Le Perse, je vous aurais appelé en vous disant « Allô, qui suis-je? J'ai une toiture qui a été mal posée, qui n'a pas été payée, je dois, 4600 euros. » Mais là, j'ai pas fait comme je ça. Je suis le pénalty à Lillère, j'ai gagné des points. Donc voilà, après aujourd'hui... Donc vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez? Que ça aille en justice, c'est ça? Non, parce que M. Maillot est en auto-entrepreneur, même si... Alors qu'est-ce que vous souhaitez, vous, Christophe? Avec le logo d'artisan. Christophe, donc une des premières... Oui, pardon, pas Christophe. David, qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Aujourd'hui, comment on peut avancer? Moi, je suis bloqué également, parce que ces travaux ne sont pas effectués correctement. Aujourd'hui, il a quand même pris 2600 et des patates d'avance. Pour moi, il y en a largement assez par rapport au travail qui est effectué, parce que tout est à faire. Je dois tout casser et tout relever. Bon, alors, on va laisser maintenant la parole à Christophe une seconde. Vous avez entendu, Christophe, les arguments du pénalty à Lillier. Quels sont les vôtres, Christophe? Moi, mes arguments sont que les travaux sont conformes à mon devis. Le devis a été signé, la facture a été signée. Hein. J'ai bien ici en bas de ma facture chantier vu et réceptionné avec le client à la facture, a contre-reçu le 3 août 2016 de 2696,35 euros. reste à régler 4 600 €10. Vu et signé par Monsieur Quillier le 13/8/2016. Bon. Monsieur Quillier, est-ce que vous auriez l'amabilité de, vous avez donc un rapport de l'huissier? Oui, j'ai un rapport d'huissier, tout à fait. Donc l'huissier, vous m'avez dit qu'il s'appelait comment? Maître Maillot Duflo Olivier, à Houdin. À Houdin. Bon, alors écoutez, je ne sais pas si un huissier a les compétences, Maître Blanche de Grandvilliers, pour monter sur un toit et voir si des travaux étaient bien faits, parce que ça voudrait dire qu'il aurait des compétences dans tous les domaines, l'huissier, si on l'appelle à chaque fois. Ah ouais. L'huissier peut monter sur le toit, mais il ne peut faire, Julien, comme vous l'avez dit, que constater des choses. Il ne va pas dire que c'est contraire au DTU, ce n'est pas un expert. Bon. Il constate des choses réelles. Alors moi, ce que je voulais vous proposer, Monsieur Dupénalty, c'est est-ce que si on prend un expert en toiture, est-ce que vous seriez d'accord pour aller avec Christophe sur le toit et qu'avec un expert en toiture indépendant, il dirait ça c'est bien fait, ça c'est mal fait? Mais il n'y a aucun problème. Moi je dirais même à monsieur Maillot Christophe qui m'a envoyé un recommandé pour dire de faire avancer ce dossier. Au pire, s'il est sûr de ce qu'il fait, il peut m'attaquer en justice sans aucun problème. Non mais c'est pas ça. Tout à l'heure je vous ai demandé est-ce que vous voulez qu'il vous attaque en justice. Vous m'avez dit non, il est entrepreneur. Donc là je vous donne une solution. Trouvons un expert en toiture. Moi je vous en trouve un. Il monte sur le toit et il va vous montrer du doigt si c'est bien fait ou si c'est mal fait. Oui, mais moi je l'ai déjà fait de mon côté. Vous n'avez pas fait de votre côté. Vous avez pris un huissier. C'est pas pareil. Un huissier s'y connaît pas en couverture, monsieur. Sinon l'huissier faudrait qu'il s'y connaisse en couverture, en voiture, en piscine, en tout. Lui il est monté, il a écouté ce que vous lui avez dit. Mais il faut quelqu'un qui s'y connaît en toiture. Mais monsieur, aujourd'hui, vous êtes à travers un média, à travers la radio RTL. Oui. Vous êtes très fort sur un point de vue médiatique. Je reconnais votre avantage médiatique. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes avocat et des diplômes de droit pour vous permettre de rentrer sur un dossier sur lequel vous n'avez aucun euro et sur lequel vous utilisez votre image marketing? Est-ce que vous avez ces arguments-là? Est-ce que vous avez des diplômes en droit pour vous permettre? Ben moi, monsieur, je fais une émission de radio, j'ai un monsieur qui m'appelle, et gentiment, j'appelle la partie adverse, et je me dis, entre gens intelligents, on va bien pouvoir trouver une solution. Ah ben, il n'y a aucun problème, Alors, vous voyez que j'ai bien fait d'appeler, alors, s'il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous me reprochez, en fait, monsieur, puisque vous n'avez vous-même rien à vous reprocher? Par contre, vous m'excuserez, je suis sur mon lieu de travail. Ah, alors maintenant, vous ne voulez plus parler avec moi. C'est-à-dire que quand vous voulez me donner une leçon, vous avez le temps, et puis dès que je vous demande d'argumenter, vous êtes sur votre lieu de travail. Dites-moi, monsieur, comme vous n'avez rien à vous reprocher, que vous êtes un honnête homme, pourquoi ça vous embête que quelqu'un vous appelle en vous disant « Voilà, j'ai un artisan d'un côté qui est embêté, vous-même vous êtes embêté, essayons de trouver ensemble la solution, autour d'un verre, pourquoi pas, au pénalty, vous voyez, d'une bonne petite bière. » Mais c'est tout ce que je vous demande. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous trouve un expert qui monte sur le toit et qui regarde ce qui se passe? Ça a déjà été fait. Voilà, donc vous vous en tournez en boucle, donc ça a déjà été fait par un huissier. Bon, ok, Christophe. Donc, je pense, Christophe, qu'il va falloir passer à la partie juridique, donc avec une assignation, puisqu'en plus, les papiers ont été signés. On explique ça juste après la pause. Bon, merci, monsieur du pénalty, en tout cas, de nous avoir parlé. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Là, ça sert à rien, je pense, de discuter pendant des heures, Christophe. On va se retrouver dans une seconde et on va voir comment on va œuvrer pour que ça avance, Christophe. Ne vous inquiétez pas. Puis alors, surtout, on va appeler l'huissier pour lui demander, cher maître, est-ce que vous êtes, d'ailleurs, ça serait bien d'appeler Maître Fix pour voir si on peut faire des études d'huissier avec une correspondance toiture ou terrassement. À tout de suite sur RTL. Vulcania. Il y a des volcans sous la mer? Oui, sûrement. Et quand ils explosent, ça fait des bulles? Alors là, si on allait au parc Vulcania? Génial! Nouveau en 2016, Abyss Explorer, embarqué à la découverte des volcans sous-marins. Vulcania en Auvergne? Partez en exploration. Offre séjour, votre deuxième nuit à moins 50%. Conditions sur vulcania.com. RTL. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché! Eh oui, ça continue encore 2 semaines! Jusqu'à demain, le raisin blanc est à seulement 1,13€ le kilo. Eh oui, vous avez bien entendu, 1,13€ le kilo de raisin blanc. Mais c'est seulement jusqu'à demain. Dépêchez-vous! C'est ça l'anniversaire, et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Variété Italia, catégorie 1, origine Italie. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Jusqu'au 29 octobre, chez Midas, c'est le mois de l'automobile. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mois de l'automobile? Chez Midas, ça veut dire 25% de réduction sur le kit courroie de distribution, 25% sur l'embrayage et mieux 25% sur les plaquettes de frein. Et sur les amortisseurs? Ne me dites pas que... 25% aussi. Ah oui, vous vous donnez à 100%! Disons qu'on fait

Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 16 novembre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016. Éléonore vend un deux pièces vu sur les toits, lumineux, elle est en salle d'accouchement, elle crie. Sylvie cherche un deux pièces vu sur les toits, lumineux, elle est en discothèque, elle crie. Si la vie ne peut pas vous aider à vous rencontrer, Orpi le fait. Orpi, plus de 100 000 rencontres immobilières réussies chaque année. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Ah, c'est vrai, ça. Et nous avons Sophie qui est en ligne avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors ma Sophie, cette robe de mariée, vous l'avez emmenée, donc vous avez déposé deux robes de mariée avec une copine. Parce que vous étiez mariée en même temps ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Oui, qu'est-ce qui se passe, Blanche? Elles sont mariées ensemble, Julien. Ah, pardon, j'ai pas compris, vous étiez toutes les deux en robe de mariée. Ah, tout à fait. D'accord, j'avais rien compris. Eh ben, c'est super, donc vous déposez les deux robes de mariée, et il n'y avait qu'un seul jupon, par contre. Oui. Voilà. Le 28 septembre, dans un pressing, mais 4 mois plus tard, un employé du pressing vous appelle pour vous annoncer que le magasin était victime d'un cambriolage. Ça, malheureusement, ben, ça peut arriver. Et vos robes de mariée ont été dérobées. Ça aussi, ça peut arriver. On ne peut pas les empêcher de se faire cambrioler, malheureusement, surtout par les temps qui courent. Ce qui compte, c'est ce qui va se passer après. Et après, le gérant vous a dit, bien, je vais faire une déclaration à mon assurance, donc tout va bien. Et là, maintenant, où en êtes-vous? Bah écoutez, aujourd'hui, je ne suis toujours pas remboursée de mes robes. Mais qu'est-ce qu'il vous dit quand vous l'appelez? Bah en fait, il ne m'appelle pas déjà. Non, quand vous l'appelez? Moi, je ne l'appelle pas non plus, parce qu'en fait, c'est entre assurances que ça se passe, hein, et ça se passe avec ma protection juridique, pardon. D'accord. Et rien ne bouge, et ça date de quand, là, depuis le septembre 2015? Oui, tout à fait. Ça fait plus d'un an et demi que ça n'a pas été réglé, l'histoire? C'est ça. Enfin, pas un an et demi, j'exagère. Ah non. Bon. Oui, un petit peu moins parce que les objets ont été volés au mois d'avril, Julien. Mais ça fait quand même longtemps. Ils ont été. Oui, mais d'accord. Mais elle l'a déposé le combien? Le 28 septembre. En octobre. En octobre. Et lui, il l'a lavé qu'en avril? Bah, les objets étaient restés chez le teinturier, mais il ne lui avait pas demandé de venir les récupérer. Hein, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous déposez des robes en septembre et il se fait voler en avril. Vous n'avez pas été le chercher? C'est vrai. D'accord, vous l'avez laissé chez lui. Bon, enfin, ceci étant dit, c'est un détail. Mais enfin, quand on amène quelque chose comme ça à laver, effectivement, il faut peut-être aller le chercher assez rapidement. Bon, bah, écoutez, on va avancer. Vous vouliez nous dire? Non, Julien, c'est justement le problème, c'est entre assureurs, puisque Sophie, elle a une assurance protection juridique, ouais. Qui s'est donc rapprochée de l'assurance du teinturier. La bonne nouvelle, c'est que la responsabilité du pressing n'est pas contestée dans l'affaire. Ils reconnaissent qu'ils doivent indemniser Sophie, ouais. Et sa compagne de la valeur des robes. La difficulté, c'est que la compagnie d'assurance du pressing indique « Nous avons une convention entre assureurs, c'est l'assurance de Sophie et de sa compagne qui doit indemniser au terme de cette convention. » Ah bon? Oui, tout à fait, parce d'accord. qu'il y a des conventions, vous savez, c'est comme les conventions. Dans ce cas précis, oui, parce que comme ce sont des petits litiges et qu'ils n'ont pas envie exactement. De s'embêter à faire de la paperasserie, c'est à toi, c'est à moi, ils se sont mis d'accord sur le fait que quand c'est un petit litige, même si c'est à nous, assurance du pressing de payer, c'est celle de Sophie qui va payer, puis on s'arrange en fin d'année sur le volume. Exactement, la seule difficulté, Julien, c'est de vérifier que l'assurance de Sophie et de sa compagne ont bien signé cette convention, parce que la signature n'est pas obligatoire. Bon, mais vous ne savez rien de tout ça, vous, Sophie? Non. Bon, alors on va appeler votre protection juridique parce que... Qui, elle, est au courant. Voilà, la protection juridique, on va leur demander ce qui se passe. Deux solutions, ils ne sont pas au courant, on va leur dire, ben remuez-vous parce que vous avez été quand même saisi il y a un an, et si au bout d'un an, vous n'êtes pas capable de régler un litige comme ça, bien c'est vrai que c'est... Il faut changer de métier, quoi. Il ne faut pas faire protection juridique. Ou alors, en tout cas, ils auraient dû engager la procédure, une procédure plus sévère contre le pressing. Oui, oui. Merci Sophie de dire oui, oui. Ça prouve que de temps en temps je dis des trucs bien et vous êtes la seule Sophie à le valider. Parce qu'ici, je peux vous dire que dans le studio, tout le monde se moque de ce que je dis. Il n'y en a qu'une qui écoutait, c'était Sophie. Ça tombe bien, c'est elle que ça concerne. Je vais donc lancer l'appel. Hervé Pouchol, nous sommes prêts. Vous êtes touché par cette robe de mariée, je le sais. Ah oui, oui. Alors, je ne suis jamais marié. Moi. Non, c'est vrai, mais ça viendra. Et puis peut-être, qui sait que si ça ne sera pas avec une robe de mariée vous-même. Ah, peut-être. Bah, avec les gens que vous fréquentez, ça ne m'étonnerait pas. Parce qu'il est beaucoup dans le travesti. Fête aujourd'hui. Je vous assure, j'ai dîné l'autre jour chez Michou et j'étais là avec ma femme, je disais, mais dis quelque chose là, Céline Dion. Bon, super, mais Pouchol. Et je me demande si c'était pas lui. Arrêt assurance, Didier Vivetaire, bonjour. Je suis en formation mardi et mercredi. Vous pouvez me laisser un message après le pic. Alors, c'était un portable en formation. Non, mais je voudrais... Stop, stop. De toute façon, c'est la protection juridique que je voulais. Hein. Vous avez bien fait ça. Vous avez fait le portable de l'assureur, je crois, ma petite Sarah. Oui, moi, c'est le cas. J'ai fait le portable de l'assureur. Et c'est là où vous vous trompez, car j'ai bien demandé la protection juridique. Alors, on y va. C'est parti pour le deuxième numéro. Protection juridique, bonjour. Oui, bonjour. Julien Courbet à l'appareil, monsieur, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'éventuellement Faustine Guillaume est là? Alors, elle ne fait plus partie de notre service. Ah, c'est dommage. C'était un bon élément. Mais peu importe, elle a dû être remplacée par quelqu'un de tout aussi compétent. Est-ce que vous pourriez me passer quelqu'un concernant Sophie, qui est une cliente à vous et qui a un petit souci et vous la défendez? Ça fait un an que ça dure, elle n'a pas de nouveau. Je peux vous en parler ou vous voulez que j'en parle à quelqu'un d'autre? Alors, peut-être vous avez une référence de dossier. Mais bien sûr, monsieur. Le 21... Juste un instant, je vous en prie. Monsieur attrape un stylo ou son computer pour rentrer le numéro de dossier. Oui, alors donc 21. 61. Oui. 71. Oui. 41. Tout finit par 1. 21, 61, 71, 41. Et vous allez tomber sur Sophie. C'est Courbet, tu le veux? Pardon? Il a dit Courbet, tu le veux? Ah, c'est Courbet, tu le veux? Oh, bah, si c'est une. Dites-moi, avant de me donner, je veux savoir quand même qui sera ma partenaire ou mon partenaire. Je ne me donne pas comme ça, monsieur. Voilà. Courbet, c'est tu le veux? Oui, c'est combien? Oh, on prend plus cher, tu sais, là, je suis là. Bah, c'est pas sympa quand même de parler comme ça, hein, Hervé. Jamais on ne nous a traités comme jamais. Ça. Jamais. C'est-à-dire qu'avant, les gens se disaient, oh, c'est vous, Julien Courbet, ouais. Il s'extasiait. Maintenant, c'est, oh, c'est Courbet, tu le veux? Oh, non, moi, franchement, autre chose à faire. Ça serait un Nouna ou comme ça, je le prendrais, mais Courbet, c'est bon, on a donné. 20 ans qu'il raconte les mêmes conneries. Bref, on va attendre d'avoir quelqu'un sur l'antenne d'RTL. J'adore cette émission. Je vous le dis tout de suite, il se passe des trucs, il y a une magie parfois et c'est fantastique. Blanquica, si jamais il ne se passe rien avec ma protection juridique, il faut que je fasse ce que j'assigne moi-même directement le pressing ou je dois me retourner vers ma propre assurance juridique, ce qui serait fou. Non, Julien, il faut évidemment aller voir le pressing, mais ça va bouger, j'en suis sûre. Ben c'est oui. Juste une histoire de savoir, est-ce que notre assurance a signé la convention ou pas? Elle a signé, elle nous rembourse. Elle n'a pas signé, ce qui semble être le cas. Et dans ce cas, c'est l'assurance du pressing qui va prendre le relais. Alors, il faut quand même savoir. Une alerte, que se passe-t-il, Hervé Pouchot? Je vous repasse le monsieur, parce qu'il y a une question à vous poser. Oui, je vous écoute, monsieur. Allô, Julien Courbet à l'appareil. Oui. Oui, vous vouliez me demander quelque chose? Vous intervenez dans quel cadre, m'a-t-il dit? Ah, j'interviens dans quel cadre? Dans le cadre d'une émission de radio qui aide les gens à régler leurs problèmes en discutant tranquillement. Et Sophie nous dit, j'arrive pas à avoir de nouvelles de ma protection juridique concernant mon sinistre. Oui. À force de vous envoyer le téléphone les uns les autres, vous allez finir par le faire tomber. D'accord. Ça marche, parce que là, merci, transfert. Là, c'était vraiment, on était dans le. C'était les Jeux Olympiques de la patate chaude. Hein. Là, c'était la Champions League, c'était Bayern de Munich, Chelsea. À toi, à moi. Non, pipopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop on les appelle, on est là simplement sympa pour régler un problème en discutant, il ne faut pas avoir peur. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, la protection juridique, donc on attend de les avoir. On va lancer un autre cas dans quelques instants sur l'antenne. Encore une alerte. J'ai une autre personne qui souhaite vous parler. Ah super. Allô? La protection juridique? Tout à fait. Julien Courbet, monsieur, nous sommes en direct sur la radio RTL avec votre cliente Sophie Simoès. Elle a mis ses robes de mariée dans un pressing qui les a perdues. Elle vous a contacté, ça fait un an qu'elle attend son remboursement et elle voudrait savoir où en est son dossier. Elle nous dit « j'arrive pas à avoir d'infos ». Alors, je peux vous redonner, vous avez le numéro de dossier? Oui, on vient me le donner. Oui, alors, je vous laisse le regarder tranquillement, comme ça on se parle dans quelques minutes. Vous me laissez 5 minutes? Mais évidemment, monsieur, que je vous laisse 5 minutes. Vous êtes très sympa, merci de nous parler, merci beaucoup, je suis ravi de vous parler. Allez, on va avancer, ce monsieur va nous en dire plus dans une seconde sur l'antenne d'RTL. La Redoute présente le Boost Mode. Les températures diminuent, mais pas question d'hiberner. Manteau tout chaud, doudoune light, boot tendance, La Redoute équipe toute la famille à prix tout doux. Jusqu'au 12 octobre, bénéficiez de 20 euros de réduction tous les 50 euros d'achat sur toute la mode, y compris les grandes marques. Et en ce moment, la livraison est offerte en relais colis sans minimum d'achat et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr.

je vacille. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Cette voix, susurrée, Julien Doré, le lac, la robe de mariée, elles sont deux. Elle a disparu chez le pressing qui s'est fait dévaliser depuis un an. Elle veut avoir des nouvelles, elle n'en a pas. Côté protection juridique, Hervé Pouchol, où en est-on, s'il vous plaît ? Eh bien, écoutez, je suis toujours en ligne avec le responsable du service client que nous avons eu lundi dernier. Et visiblement, il est en train de reprendre, il est en ligne, il est en train de reprendre tout le dossier. Et effectivement, il y a un peu de retard sur le règlement, il vient de le constater. Bon, alors monsieur, est-ce qu'il convient que l'on appelle l'assurance adverse ou vous allez pouvoir vous en occuper vous-même ? Parce qu'apparemment, il y aurait des accords entre les deux assurances. Enfin bref, c'est un peu compliqué pour nous, mais dites-nous, vous, comment vous voulez qu'on fasse ? D'accord. Dans ce dossier, donc, la dernière information qu'on a eue, c'était à mi-septembre, où AXA nous indiquait qu'ils avaient nommé un expert qui allait prochainement rendre son rapport pour pouvoir chiffrer et faire une proposition. Donc vous attendez en fait un rapport d'AXA depuis combien de temps ? C'était mi-septembre, ça fait mi-septembre. D'accord. Voilà. Bah, dis donc, mi-septembre, comment ça se fait qu'on ait demandé le rapport ? Enfin, puisque ça a été, ça fait presque 6 mois maintenant, c'est normal que ça soit aussi long pour avoir un rapport ? Pour le demander, en tout cas. Après, faut voir avec AXA qu'il l'a mandaté. Alors, on me dit qu'il y aurait le directeur de la communication d'AXA qui est en ligne avec nous. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Encore une fois, monsieur le maire, merci. Vous avez dû sortir d'une de ces nombreuses réunions qui font votre quotidien pour vous occuper des robes de mariée. Mais c'est important, une robe de mariée. Il y en a deux, là, en plus. Est-ce qu'on a pu vous tenir au courant un petit peu de ce dossier ? Parce que là, on a la protection juridique de Sophie qui nous dit bah, on attend un rapport d'AXA et AXA est l'assureur du pressing. Oui, bah écoutez, non, j'ai pas trop d'informations parce que effectivement je viens d'avoir le dossier, mais je m'en occupe sitôt mes nombreuses réunions terminées, c'est-à-dire je ne déjeunerai pas ce midi, Julien, pour m'occuper de ce dossier. Voilà. Écoutez, je vais vous dire ces deux bonnes nouvelles. Une pour Sophie parce que son dossier va aller vite, et deux pour votre physique et votre santé, ça ne peut pas être mauvais non plus, monsieur le maire. Merci. Est-ce que vous avez entendu Sophie ? Oui, j'ai entendu. Donc, le directeur de la communication d'AXA va ouvrir ce dossier entre midi et deux à l'heure du déjeuner et va, s'il constate qu'il y a un retard, tout de suite faire accélérer les choses, sachant qu'il n'y a rien de compliqué puisque le vol a été admis, ces robes ont été volées. Et vous, monsieur, peut-être que de votre côté, on vous donnera un contact privilégié de la protection juridique pour que ça aille un petit peu plus vite. Monsieur Quédel. Oui. Là, je pense que là, on a, avec vous et monsieur le maire, on devrait avancer très vite. Tout à fait. Allez, c'est super. Vous vous mettez en contact. Hervé, vous vous occupez de ça. Merci, monsieur Quédel, de la protection juridique, de nous avoir répondu aussi vite. Voilà, quand on tombe sur un responsable qui a envie que les dossiers avancent, ça va vite. Et vous, monsieur le maire, même si vous prenez un petit sandwich, on ne vous en voudra pas. Mais je compte vraiment sur vous pour que Sophie puisse se faire indemniser ses robes. On va avancer très vite. Allez, merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Oui, Blanche Grandvilliers. Je suis sûre que ça va aller très vite, Julien, puisqu'on nous a dit qu'ils sont en train de chiffrer les dommages. C'est super. Donc le chèque sera bientôt là. Mais c'est toujours un petit peu long. Il ne faut pas hésiter, hein, je vous dis, à envoyer de la lettre recommandée de temps en temps en disant ça ne va pas assez vite. On a le droit. Quand vous avez comme ça, vous apprenez que vos robes ont été mariées, ce n'est pas le lendemain qu'on va vous indemniser. Mais je pense qu'au bout de 5-6 mois, on peut se dire que ce n'est pas si compliqué que ça à indemniser. Nous allons revenir dans quelques instants sur la plus belle histoire, pour l'instant, la plus belle histoire de l'émission depuis le début de cette saison avec ce mouvement de solidarité, moi qui me tire les larmes à chaque fois parce que vous êtes les meilleurs auditeurs de France. Vous êtes ceux d'RTL. Mon ami dit qu'à mon âge, on doit souffler un peu. Mais moi, je ne peux pas m'arrêter. Aujourd'hui, j'ai un nouveau grand projet, vaincre le cancer. Pour cela, il faut que la recherche avance. On guérit déjà 60% des cancers et on doit continuer à sauver des vies. Alors j'ai décidé de faire un leg à la Ligue. La Ligue contre le cancer. Vous aussi, faites un leg à la Ligue contre le cancer. Notre service leg et donation répond à vos questions au 01 53 55 24 04. Galerie Lafayette. Galerie Lafayette. Bonjour, c'est Garance Doré. Pendant les 3 J des Galeries Lafayette, du 12 au 23 octobre, vous pouvez tenter de remporter un voyage à New York. Alors, venez me rencontrer. Les 3 J des Galeries Lafayette, c'est du 12 au 23 octobre. Règlement du jeu disponible en magasin ou sur galerielafayette.com. L'Odyssée. Les Américains partent à la conquête de l'espace, et bien nous partons à la conquête de la mer. Embarqué pour une aventure incroyable. Il y a plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde. Lambert Wilson interprète le commandant Cousteau. Imagine tout ce qu'il reste à découvrir, à explorer. L'Odyssée, un film de Jérôme Salles avec Lambert Wilson, Pierre Niney et Audrey Tautou. Aujourd'hui au cinéma. Avec RTL. Salut, moi c'est Pat. Pat in, oui je sais. Bon, j'ai rien contre le patinage, noté. En revanche, une voiture qui patine, y a rien d'artistique. Je dis ça rapport à mes deux pneus lisses. Solution, prendre rendez-vous sur Citroën.fr. Pendant les portes ouvertes du 13 au 15 octobre, le deuxième pneu est à moitié prix et avec Michelin, j'ai même une carte carburant. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre pneus réservée aux particuliers hors pause pendant les portes ouvertes. Offre carburant jusqu'à 50 euros, valable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur Citroën.fr. Mamie, je peux pas te parler là, je suis chez un pote. Mais moi aussi, je suis avec une pote. Et Nicole, regarde sur ma tablette ardoise, il est pas beau mon petit-fils. Eh ben fais coucou à Nicole mon lapin. Coucou Nicole. Regarde, on a retrouvé des photos de toi dans ton bain. Non. Pour tous ceux que le numérique intéresse, mais qui attendaient que le numérique s'intéresse à eux, La Poste vous propose de découvrir Ardoise, la tablette pensée pour les seniors. Dans votre bureau de poste ou sur ardoise.com. Allez, on le rappelle. On retrouve Soyons Proactifs avec Cerise de Groupama. Alors, comment améliorer l'assurance de votre commerce? La vitrine de ma boutique vient d'être brisée. Et en attendant les travaux? Je dors pas tranquille. Une bâche, ça protège de la pluie? Mais pas des voleurs. Bon, si la réparation d'urgence n'est pas terminée dans la journée, on postera un agent de sécurité devant votre boutique pendant les réparations. Être mutualiste, c'est trouver ensemble des solutions à vos préoccupations. Groupama Pro, la vraie vie s'assure ici. Intervention au titre de votre garantie d'assistance, durée maximale 72 heures. Se référer au contrat. Plus d'informations sur groupamapro.fr. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant demander à Myriam de prendre l'antenne. Myriam, entendez-vous ? Oui, bonjour Julien, bonjour. Alors Myriam, on rappelle que vous aviez confié la rénovation d'une maison qui était en mauvais état à l'ami d'une amie qui vous a dit « va te le faire, tu vas voir, il a pris les 18 000 euros, il est parti dans la nature et il n'a pas fait grand-chose, il n'y a que des malfaçons, il est injoignable ». Nous avons tout essayé pour joindre Michael Wesma, impossible de le joindre, alors on a lancé parce que quand on a vu les conditions où vous viviez avec votre fils, ça nous a vraiment fait de la peine, un mouvement de solidarité des artisans dans la région de Saint-Étienne sont venus de tous les côtés. Le chantier a énormément avancé et puis il restait des tas de petites choses à faire. On n'arrivait pas forcément à avoir les artisans pour que ce soit parfait. Et puis on a eu les gens de l'AFPA, qui nous ont contactés. Et on a en ligne, je crois, la dame de l'AFPA, donc l'organisme avec plein de jeunes. C'est Sophie Lecoeur, vous êtes là ? Oui, bonjour. Alors Sophie, vous avez envoyé du coup de la jeunesse, du sang frais. Qui est sur le chantier ce matin ? Exactement, dans quoi ? Salut, écoutez-les, comme ils crient de bonheur. Ils sont assez... C'est génial. Donc on a mobilisé donc les stagiaires de la fabrique qui ont blé Saint-Étienne. Donc là on a nos plusieurs menuisiers qui sont en train de bosser, ça rigole. Et en même temps on a les placos là en bas qui sont en train de faire donc le rez-de-chaussée. Donc là on est en direct du premier étage de la maison de Myriam. Eh bien, c'est super. Remerciez-les du fond du cœur, là. Tous ces jeunes qui sont là-bas, qui font un truc de formidable. Non seulement ils apprennent leur métier, ils le font, mais ils aident quelqu'un. Ils sortent vraiment quelqu'un d'une situation incroyable. Merci à l'AFPA, hein. C'est fantastique ce que vous faites. Bravo. Eh bien, merci à vous. C'est un beau chantier. Du coup, nous, ça nous permet de bosser directement et de donner un coup de main à Myriam sur ce bon, chantier. Eh ben, normalement, ça devrait se terminer. Et Sarah, vous nous annoncerez que la mission est complètement terminée dans très peu de temps. D'accord? Merci en tout cas. Et Myriam a retrouvé la banane, comme on dit. Alors, on va revenir parce que c'est la fin de l'émission. Je vous l'ai dit, le Money Time. Maître Fix, vous êtes en ligne? Maître Fix, m'entendez-vous? Oui, je vous entends très bien. Ah, mon huissier préféré est là. Maître Fix, est-ce que vous avez pu avoir l'autre huissier qui a fait ce constat sur la toiture pour notre artisan qui n'aurait pas été payé car un huissier aurait constaté des malfaçons sur la toiture d'un bar tabac? Oui, j'ai pu l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, il me dit qu'il a fait effectivement des constatations matérielles objectives. Vous savez qu'un huissier vient, prend des photos et décrit la situation. Et il a effectivement, a priori, il m'a déclaré qu'il avait constaté qu'il y avait des malfaçons. Pour autant, si vous voulez, un huissier n'est pas un expert immobilier. Oui. Donc, il faut un rapport d'expertise. On constate, l'huissier, c'est une photo à un moment T. La situation est comme celle-ci. Et après, si on n'est pas d'accord sur la qualité bonne ou mauvaise, les règles de l'art, oui ou non, là, à ce moment-là, il faut passer une autre étape et s'attacher à les services d'un expert à ce moment-là dans le bâtiment. Bon, alors, de toute façon, là, maintenant, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure l'avocate, il va devoir faire appel à son assurance. Il faudrait lui redemander, bien vérifier qu'il est assuré. Son assurance doit maintenant assigner très rapidement le bar tabac et ça sera à lui de prouver qu'il y a des malfaçons, bien sûr. Exactement, il envoie un expert sur place pour faire, comme vous l'avez dit, une réunion contradictoire et derrière, assignation. Et si la personne, je ne dis pas du tout que c'est le cas de ce monsieur du bar tabac, hein, oubliez ce cas-là, je pose une autre question, quelqu'un s'amuse à justement un petit peu abîmer le matériel pour que lorsque l'expert passe, il dise « Regardez, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là » parce qu'on ne peut pas prouver que ça a été fait avant ou après. Mais si, pas quand même, Julien, parce qu'il y a eu un procès-verbal de réception, on a des éléments de preuve, et en plus, il y a le constat d'huissier avec des photos. Donc, est-ce que vous avez entendu tout ça, Christophe? Oui, oui, et moi, de toute façon, j'ai pris des photos avant chantier et en fin de chantier. Voilà, parfait. Donc, vous avez plein de photos. Donc là, il ne faut pas vraiment vous laisser faire, Christophe. Si vous êtes persuadé d'être dans vos bons droits, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a pas envie de payer, il a des... De toute façon, pour moi, je suis dans mes droits parce qu'il est pas à son coup d'essai, il a déjà fait ça avec d'autres artisans. Bon, ça, Christophe, je ne sais pas s'il l'a fait avec d'autres artisans, je vous laisse la responsabilité de ça, mais maintenant, Sarah va vous appeler régulièrement. Lancez la procédure super rapidement, ne vous laissez pas faire. D'accord, Christophe, et vous me tenez au courant, promis ? D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, Sarah, vous vous en occupez. Écoutez, on va faire un rapido point info parce qu'il s'est passé un maximum de choses ce matin. C'est parti. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Le remboursement des dents qui était parti à la mauvaise personne et celle qui devait le toucher qui se plaignait. C'est bon, Hervé Pouchol, on a eu un responsable, elle va toucher son argent. Oui, le responsable du service client de l'UTMIF s'occupe du cas de notre auditrice Delphine. Christophe, le couvreur qui fait des travaux, on ne veut pas lui payer parce qu'on dit qu'ils ont été mal faits alors qu'il y a eu une réception de chantier. C'est parti aussi. Christophe lance la procédure. Là, pour le coup, le responsable du pénalty dit « Je préfère la procédure, donc on va à la procédure. » Et les robes de mariée, inutile de vous dire que normalement, demain ou lundi, c'est réglé. Bravo à toutes les équipes. Allô, le 3634? Oui, la Poste Solutions Business, bonjour. Bonjour, j'ai une petite boîte et j'aimerais être sûr que mes papiers soient bien recyclés. Il paraît que vous avez une offre pour les pros? Oui, bien sûr, on vous envoie une boîte. Ah non, mais la petite boîte, c'est moi et je consomme pas des tonnes de papier. Ça tombe bien. Notre petite boîte à nous, c'est la Box Liberté de Recigo. Vous y mettez vos papiers usagés et c'est vous qui décidez quand le facteur vient la chercher. Et mon recyclage, c'est dans la boîte. Recigo Liberté, une offre de la Poste Solutions Business. Découvrez-la sur laposte.fr ou en appelant le 3634, 30 centimes la minute. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau Scénic, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Captur et Mégane au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Carrefour. Maman, dimanche, c'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. Oui, et nous, c'est tous les jours qu'on doit agir. Comment ça? Bah, tu sais, quand on dit Zoé, jette pas tes pâtes, tu veux en faire un gratin. Tristan, dans le frigo, tu mets bien les nouveaux yaourts derrière et ceux qui sont bientôt périmés devant. Ah, d'accord. Tous ces petits gestes additionnés, ça fait de grosses économies. Carrefour aussi s'engage contre le gaspillage. Partenaire de plus de 1000 associations de l'aide alimentaire, Carrefour est le premier donateur privé des banques alimentaires en France. Alors, ensemble, mobilisons-nous et retrouvons les gestes pour consommer malin sur carrefour.fr. Carrefour. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Rendez-vous samedi soir à Argentré du Plessis dans l'Ille-et-Vilaine où j'aurai l'occasion de jouer la dernière de ce One Man Show avant d'attaquer le nouveau en janvier, donc samedi soir. Mon Stéphane, vous êtes-vous bien remis de cet anniversaire? Oh, bah, quel anniversaire en votre compagnie, mon cher Julien. C'était une joie de présenter les 50 ans d'RTL hier avec vous. Et ce matin, nous continuons l'aventure avec Sylvain Tesson qui est mon invité et qui a marché sur les chemins noirs. C'est le titre de son livre. Eh bien, nous allons écouter ça. À tout de suite, bonne émission. À tout de suite, merci Julien. On se retrouve demain matin, dès 9h30, mesdames et messieurs. Merci à toutes les équipes. Merci Blanche Grandvilliers, les équipes d'Alain Hazard et celle d'Hervé Pouchol. Vous êtes sur RTL. Il est 11h. Et nous retrouvons Marie Guerrier pour les infos. Rebonjour Marie. Rebonjour Julien, bonjour à tous. Météo France a placé le département de l'Hérault en vigilance orange pour les orages qui arriveront la nuit prochaine et cet épisode de pluie violente est surtout attendu dans la journée de demain. Le département de l'Hérault est pour le moment le plus concerné, mais des débordements vers le Gard sont à craindre. Les orages seront susceptibles de provoquer localement des dégâts avec d'importants risques d'inondation la nuit prochaine donc et demain. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a décidé de porter plainte après la découverte sur les murs de l'université Paris-Tolbiac des tags anti-police, des tags considérés comme de l'apologie de crimes contre des policiers. Ces insultes et incitations à la violence sont intolérables, dit Bernard Cazeneuve, alors que les forces de l'ordre exposent chaque jour leur vie pour protéger celle des autres, conclut le ministre. Dans l'actualité du jour, on retient aussi le renoncement des avocats de Salah Abdeslam. Le terroriste du 13 novembre ne veut pas parler au juge, il se mure dans le silence. Alors maître Franck Berton et maître Sven Marie ne voient plus à quoi ils peuvent servir. Ils renoncent à défendre Abdeslam, qui a d'ailleurs écrit au juge pour dire qu'il ne voulait plus être représenté. Le pape appelle à nouveau ce matin à un cessez-le-feu immédiat en Syrie. Un cessez-le-feu au moins le temps nécessaire pour évacuer les civils victimes des bombardements. Le pape François implore les autorités compétentes de toutes mes forces, dit-il, et avec un sentiment d'urgence. À Paris, un juge est désormais en charge de l'enquête sur le braquage dont l'américaine Kim Kardashian a été victime la semaine dernière. Plusieurs ADN ont été retrouvés dans l'appartement de la vedette et sont actuellement en cours d'exploitation. Les électeurs ont la parole dans RTL Midi, comme chaque jour désormais. Il sera question aujourd'hui d'une proposition du candidat Alain Juppé. Il souhaite la dégressivité des allocations chômage, des allocations qui baisseraient d'un quart au bout de 12 mois et de moitié au bout de 18 mois, mais avec un plancher à 870 euros sous lequel les allocations chômage ne pourraient pas tomber. Êtes-vous favorable à cette dégressivité? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez bien sûr en débattre dans RTL Midi avec Christelle Robière et Vincent Parisot en appelant le 3210. Je vous parlais au tout début de ce flash des intempéries prévues demain près de la Méditerranée. Alors la météo aujourd'hui, c'est déjà du soleil, du ciel nuageux dans le sud. Partout ailleurs, le soleil s'imposera après la grisaille matinale. Il fait frais sur la moitié nord, pas plus de 12 degrés annoncés cet après-midi à Lille, 13 à Nancy et Strasbourg, 14 à Paris et Rouen. On ira jusqu'à 15 à Tours et Nevers, 16 à Limoges, 17 à Montélimar, 20 à Ajaccio et 21 à Perpignan. Pour un confort toujours au beau fixe, choisissez Viessmann. Viessmann, des solutions de chauffage innovantes, performantes et durables. Votre projet sur mesure commence sur viessmann.fr. Les pronostics de Bernard Glaze pour le quintet qui se court cet après-midi sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Bernard vous conseille de jouer le 6, le 5, l'As, le 2, le 15, le 9, le 16 et le 12. La dernière minute, c'est l'As à Prion. Il est 11h03, vous êtes sur RTL à la bonne heure avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie. On vous retrouvera Marie Guerrier à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Mais d'abord, nous sommes dans à la bonne heure en direct et en public sur RTL avec un invité. Alors, il publie des livres fabuleux, on va en parler évidemment. C'est Sylvain Tesson, notre invité. On va emprunter les chemins noirs en votre compagnie dans un instant. Mais d'abord, je vais vous présenter mes petits camarades. Un peu de politesse quand même. Je leur dois bien ça. Des salauds et des héros. Vous en avez évidemment rencontré dans vos voyages, Sylvain. Mais quels sont les héros et les salauds de la semaine? Réponse tout à l'heure avec Stéphane Blakowski. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. C'est pas le même. Pardon. C'est pas le même héros salaud, non? Non, alors aujourd'hui c'est un test comparatif. Hein. Ah oui. Parce qu'il y a des salauds, d'accord, on en parle, mais il y a aussi les salopes. Mais quels sont les plus nombreux? Non, mais c'est pas pareil. Les salauds non. ou les salopes? Ah non, non, non, non, non, non. Mais salopes, c'est pas le féminin c'est pas de salaud. Féminin de salaud. On va en parler tout à l'heure, il y a débat. Il y a débat. Attends, oh là là là là là. Ne commençons pas à griller toutes nos cartouches. Très bien. Régis Maillot est avec nous. Bonjour. Alors, vous nous montrerez la marque du maillot tout à l'heure. Évidemment, au menu du jour, on va parler gastronomie, poutine, vous savez, ce plat québécois que dit Germain oui. François Hollande. Oui.